Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Omar Mefta. Salut Omar, comment tu vas? Salut Sofiane, comment ça va? Ça va super, merci, et toi? Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh ben écoute, merci de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir, hein, c'est normal. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir dans le podcast et écouter justement tes anecdotes. Tu en avais une ou plusieurs à nous raconter? Alors j'en ai une en particulier à te raconter, mais qui est... Enfin, tu sais, elle est c'est surnaturel. Elle est surnaturelle, cette anecdote. Pour moi, elle est surnaturelle. D'accord. En plus, je l'ai vécu avec, avec plusieurs potes. Avec Edgar Yves Monou, avec Rachid Vegas, Jamel. Donc, s'ils l'entendent, le podcast, ils sauront de quoi je parle. C'était une anecdote de dingue. On était invités en Vendée. Alors, tu sais, on a commencé en Vendée. Hein, on est à côté, on est à Nantes. Donc, on a fait pas mal de scènes en Vendée avec l'Œil du Prince, avec plein de boîtes qui nous ont accueillis à l'époque et qui nous ont aidés à démarrer. Et puis un jour, on nous appelle pour un téléthon. Donc Jamel nous appelle, nous dit, Jamel, il organisait des spectacles, si tu veux, déjà souvent. Et donc, on était à peu près la même team à bosser ensemble. Je ne sais plus s'il y avait Yanos, mais bon, il y avait du monde. Et donc, on est en route pour le téléthon. Et le mec, il nous appelle, il nous dit... Il y a 7000 personnes ce soir. Waouh! Imagine, en tant qu'humoriste, il y a 7000 personnes. Les gars, on va pouvoir travailler son ego à fond, là. Donc, on y va, on est sur la route, tu vois, sur tout le chemin de l'allée. On est au top du top. C'est la meilleure date de notre vie. On va jouer devant 7000 personnes. On est tous en train de se gonfler à bloc dans la voiture. On arrive là-bas. On rentre dans la salle. Et effectivement, il y a 7000 personnes, au moins. Wow. Et on va dire il y a entre 6000 et 7000 personnes, quoi. Mais c'est blindé, blindé. Sauf que ça ne ressemble pas vraiment à un spectacle. Ça ressemble plus à une grosse foire. Donc on se dit, peut-être qu'ils vont changer un peu la disposition de la salle, tu vois. Ils vont mettre des sièges à un moment et puis on va tous jouer devant la scène. Bon, c'est ce qui se passe. Mais au moment où ça se passe, il y a déjà 2000 personnes de moins. Tu vois. Bon, guerrier comme on est déter à jouer, on se dit, on va y aller quand même, c'est pas grave. On jouera devant 4000, 5000, c'est rien, on y va. Bon, on y va. Et là, on rencontre l'organisateur qui nous dit, bon, dans la conduite, vous êtes 18e. On est 18e. Il dit oui. Avant, il y a un spectacle de coiffure, un spectacle de danse, un spectacle de magie, un spectacle de équestre, un spectacle de machin, un spectacle de... D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils sont 5000. On va jouer, tu vois. Mais on commence à sentir la patate quand même, tu vois. On se dit, bon, ça sent la merguez, là, il y a un truc. Alors, on reste, on s'échauffe. On passe au maquillage, il y a 2-3 interviews, machin, vraiment sympa, quoi, tu vois. Bon, le spectacle de danse, un spectacle de chant, là, on repère 2000 personnes. Elles ont dansé si mal que ça? Ah, bah, c'est le spectacle de chant en particulier, tu vois. D'accord, ça chantait en casserole, quoi. Ah, c'était, je sais pas si c'est pas les casseroles qui chantaient directement, tu vois. Je me souviens d'une nana qui chantait super bien, mais qui avait son cahier avec des paroles. Et donc, elle démarre une chanson, et puis elle démarre sa chanson, elle chante, puis elle dit « Non, je la connais pas, celle-là, on va en faire une autre. » Nous, on se regarde avec les mecs, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on est où, là? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, il ne faut pas oublier que surtout, on repère 2000 personnes, donc il en fait 3000. Voilà. Je vous imagine tellement dans les loges avec une calculatrice à la main, alors moins 5, moins 3, moins 5, moins 6, moins 7. Pourquoi ils se barrent, va les retenir, tu vois. Bon, du coup, ça continue, le spectacle continue, machin et tout. Et puis l'organisateur, il sent qu'il perd un peu le fil, tu vois. Il sent que ça se passe mal, il sent que la salle se vide quand même, tu vois. Donc il vient nous voir un moment et puis il nous glisse, il nous dit « Bon, les gars, vous allez passer en même temps que les coiffeurs. » En même temps que les coiffeurs, il dit « Oui, oui, il y a un spectacle de coiffure à un moment. » Il y a un spectacle de coiffure, d'accord, mais ça consiste en quoi? Il dit « Il y a des coiffeuses qui vont monter sur scène et qui vont faire une coiffure en direct, comme ça, devant le public. » Je dis, mais là, la salle va se vider. Il dit, non, on a l'habitude, t'inquiète pas. D'accord. Et il dit, mais avant d'y aller, il y a le spectacle équestre. Et là, on se rend compte qu'en fait, le public, les 3000 personnes qui restaient, attendaient le spectacle du cheval, tu vois. Oh là là là là, quelle erreur de l'avoir mis. Il aurait fallu le mettre en dernier, du coup. Non, mais là, on a passé. Oui, si tu veux, en dehors de l'aspect logistique, etc., le spectacle équestre, pour moi, c'était le spectacle du siècle. Si tu veux, le principe du spectacle, c'est que le mec faisait deviner, en fait, faisait du mentalisme avec son cheval. Tu vois. Bon, d'accord. J'ai rien contre ce projet, tu vois. Mais, mais ok, bon. En gros, il faisait deviner le prénom de quelqu'un dans le public et il disait l'alphabet. Et à chaque fois qu'il tombait sur la bonne lettre, le cheval, il tapait du sabot, tu vois. Oh. Un peu le projet. Ouais, sauf qu'avant, avant ça, donc le mec, il me dit, il y a un gars qui va faire du mentalisme avec un cheval. Je me dis, il faut que je sois dans la salle, je veux voir ça. Avant ça, le gars dit, et maintenant, le spectacle équestre. Mec, il y a des chevaliers qui sortent de partout dans la salle. Je te dis, c'était surnaturel. Avec une musique, tu vois... vraiment de ouf, des chevaliers qui se battent, machin et tout, bam bam, ça dure 3 minutes, on en prend plein la gueule. Là, le mec rentre avec son cheval sur scène. Là, je me dis, on a atteint le bout. Non, c'était pas fini encore, tu vois. Donc le mec, il commence à faire son truc de mentalisme. Là, on repère 1000 personnes. Oh. Tu vois. Donc au début, il nous disait, il y en a 7000 quand même, hein. Là, on doit être à 2000, tu vois. Il doit rester 2000 personnes. Je ne peux pas dire, je n'ai pas tenu les comptes, mais... Ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'il ne parlait pas en verlan, le mec? Genre, il y en a 7000, en fait, ça voulait dire il y en a 1007. C'est genre 1007, tu vois. Ça pourrait être ça. Hein. Écoute, le truc, si c'est arrêté là, on aurait joué devant 2000 personnes avec Edgar, avec Rachid, avec toute la bande, on aurait joué devant 2000 personnes, ça nous allait. Mais là, il y a le spectacle de cheval qui se passe. Nous, on est entre nous, on est au bout de la salle, on n'en peut plus. On est entre le rire, le stress, on ne sait plus, tu vois, on ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus rien. Surtout que c'est une salle pour 7000 personnes, donc il y a une résonance de malade à l'intérieur, tu vois. Aïe, aïe, aïe, aïe. Là, le gars fait son numéro avec le cheval, il fait monter une nana sur scène, et il doit deviner le prénom Dorothée, tu vois. Ouais. Donc, t'imagines, A, B, C, D, le cheval tape du sabot. Alors, d'accord, donc elle s'appelle D déjà. Il refait l'alphabet, il va jusqu'à O. Il tape du sabot, O, ok. Il refait l'alphabet, il va jusqu'à R. Il tape du sabot, Dor. Il refait l'alphabet, il va jusqu'à O, Doro. Là, on se dit, elle s'appelle Dorothée, c'est sûr. Il n'y a pas de 50 prénoms avec Dorothée. Ouais, ouais. Sauf que le mec, il va jusqu'au bout du prénom, avec l'alphabet et son cheval. Oh. Dorothée, 700 personnes. Hey, tu m'étonnes. Elle n'aurait pas pu s'appeler Béa? Ouais, ouais. Delphine, Béa, Julie, j'en ai rien à foutre, mais... Tu vois. Pas Dorothée, quoi. Mais même la nana, tu sais, dans ses yeux, c'était marqué Dorothée. Bon, tu sais, il va jusqu'au T. Tu sais, elle regarde le mentaliste du genre, bon là, c'est quand même pas dur à deviner. Dorothée, il y a un truc quoi, tu vois. Bon. Genre, vas-y, enchaîne Marcel, enchaîne. Ouais, c'est ça. Les mecs dans le public gueulaient, Dorothée, Dorothée. Nous pliés en 14 derrière, sauf qu'il y a encore 700 personnes qui sont barrées. Oh. À la fin de son numéro, il reste à peu près 300 personnes. Oh non. D'accord. Ils nous ont dit 7000 au début. On va voir l'organisateur, on lui dit, bah, c'est chaud là, non? Il dit, non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ok. Il dit, bon, vous êtes toujours d'accord pour passer en même temps que les coiffeuses? On se regarde avec Edgar Yves. Bon, de toute façon, perdu pour perdu, autant jouer avec les coiffeuses. Hein, ça va être des... Il va y avoir un truc. Le gars finit son numéro, donc je te dis, il reste 300 personnes. Le mec, il dit, et maintenant, les humoristes et la coiffure. Rien que le titre, déjà, ils vont son pesant d'or, quoi. Rien que ça. Les humoristes et les coiffeurs. Tu sais, on dirait quoi? On dirait le nom d'un film, tu sais, un film français des années 90. Les humoristes et les coiffeuses. Ouais, ah, c'est clair. Ah, je te jure. Non, mais quand j'y repense, vraiment, c'était exceptionnel. Là, on repère 280 personnes au moins. Moi, je pensais que les 300, c'était le public plancher, tu sais, genre vraiment celui qui bougera pas, quoi. Que dalle, c'est le public qui a foutu le camp au plancher, ouais, surtout. Ils se sont barrés, les 280. Et tu sais, sur le visage, c'était marqué, bon, ça devient n'importe quoi, faut qu'on se barre, là. Prends les gosses, chérie. Prends les gosses, on se casse, tu vois. Alors du coup, bon, il reste 20 personnes. Oh. Il reste 20 personnes, il introduit la coiffure. Les gens, donc, ils montent sur scène, commencent à coiffer, machin et tout. Là, il y a 13 personnes qui se barrent. Oh, on est passé de 7000 personnes à 7 personnes. À 7 personnes, ouais. D'accord. On est là, on fait un sketch, machin et tout. Et là, je fais un sketch, je fais mon passage, je fais un sketch franchement, sans doute l'un des sketchs les plus pétés de l'histoire du sketch, tu vois. Cette personne, nous on est décontenancés, on est complètement à l'ouest, mais tu sais quand même, on est entre nous, on se dit bon, faut faire le taf, hein. On est venu, on s'est engagé, le gars il compte sur nous, on y va quoi, tu vois. Mais en même temps, fais gaffe, hein, tu me dis que t'as joué un sketch complètement pété, je te rappelle que bidé devant 7 personnes, tu vois, j'irai en Vendée, c'est quand même la moitié de la population du département, donc fais gaffe. T'as pris des risques, frérot. Non, faut qu'on prenne soin des Vendéens. Voilà, ils nous ont tellement bien accueillis. Hey, je les taquine. Ma seule date en Vendée, c'était dans un coin vraiment reculé de la Vendée qui s'appelait l'herbergement. Pas l'hébergement, l'herbergement. Tu connais ou pas? Ouais, très très bien. Voilà, j'ai joué à l'herbergement. C'était ma seule date de ma vie en Vendée. Et je me suis fait écler par un mec bourré là-bas. Laisse tomber, Stéphane. Ouais. Si jamais tu nous écoutes, je te souhaite une gastro à vie, mon pote. vraiment, il m'a pourri mon spectacle, il a pourri le spectacle de tout le monde. Oh, il a flingué. Mais c'est même pas un sketch, c'était mon spectacle entier. Aïe. Ah, c'était pas 10 minutes, hein, c'était 1h20, tu vois. Donc j'ai galéré. Mais après, si tu veux, j'ai réussi quand même à le contenir. Mais toutes les 2 minutes, il fallait que je le reprenne. Et ah, les gens, ils le détestaient. Ah, mais les gens, ils le détestaient, tu vois. J'en ai eu plein des anecdotes comme ça en Vendée, mais c'est souvent lié à l'alcool, finalement, tu vois. Bah oui, bon, c'est ça. Je te finis celle-là. Là, on est. Oui, mais non, pardon. Et donc, ouais. Donc, en gros, il reste 7 personnes. Ton passage à toi, il bide, tu bides ouais, devant 7. Non, on bide pas forcément, tu vois, on s'éclate quand même. Si tu veux, entre nous, on se regarde, on se fait le sketch pour nous, quoi, tu vois. Donc on s'éclate, le contexte est tellement drôle, on en rigole, quoi, on en rigole. Et puis on avait sympathisé avec le régisseur, tu vois, le régisseur son et lumière, on avait sympathisé avec lui, et je lui avais dit, à un moment dans le sketch, je taquine un peu le régisseur, tu vois. Ouais. Et là, mec, je lance une vanne au régisseur qui éclate de rire. Je te jure, il y a un mec habillé militaire, tu vois, vert kaki, assez bien foutu quand même physiquement. Je l'aurais pas cherché tout de suite, celui-là. Le mec monte sur scène, il vient se coller à moi et il me dit, on n'attaque pas les bénévoles. En plein sketch. N'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il dit, mais monsieur, faut descendre, là. Laissez-moi finir de travailler. Il me dit, non, on n'attaque pas les bénévoles. D'accord, mais moi aussi, je suis bénévole, là, j'ai été invité. Il me regarde, il me dit, ah, ok. T'imagines la gêne ou pas? J'étais bloqué, je pouvais plus. Je lui dis, je finis mon sketch et je viens vous parler, monsieur. Hein, bougez pas, j'arrive. Mais sérieux? Il restait 3 personnes, dont le gamin. Et là, est-ce que tu comptes le militaire ou pas dans le tas? Ah ben je le compte. Pour moi, c'était le chef de meute. D'accord, ce soir, tout le monde compte ce soir. Tout le monde compte. S'il y avait eu un chat ou un chien, il aurait compté dans le public, tu vois. Écoute, plus beau dans tout ça, beau dans tout ça, c'est que nous, on finit la prestation. Bon, on se regarde avec Edgar Yves, on se regarde avec Rachid, avec Jamel et tout, et on se dit, bon, plus jamais. Et là, mec, il y a l'organisateur qui arrive avec la même énergie qu'au début. Il arrive. Et il nous dit, les gars, c'est génial ce que vous faites. Est-ce que vous êtes disponible demain? J'ai un autre spectacle. comment te dire non? On se regarde avec les mecs. On a tous, à l'unisson. Non, ça ira. Merci. Alors, passez une excellente soirée. On ne se rappelle jamais. Hein. Merci. Oh, c'est hallucinant, sérieux. Mais le mec, mais je crois que c'est surtout l'aplomb du mec qui est capable de venir vous voir et de vous dire, premièrement, c'était génial, alors qu'il voit bien qu'il vous avait promis 7000 personnes et vous avez joué devant 7 qui sont devenus 3 au final. Il revient avec la même énergie et il vous dit, demain j'ai la même chose. C'est même pas genre demain j'ai un truc mieux, c'est demain j'ai la même chose à vous proposer, revenez quoi. Ouais, venez, je vous ai trouvé excellent, il est important qu'on travaille ensemble. Oh là là, laisse-nous tranquille toi, sors de notre vie immédiatement, c'était trop dur. En fait c'est le côté, tu sais, je pense que vous lui en voulez pas à lui, mais je pense que c'est le côté, ne nie pas l'évidence. Dis-nous clairement, bah, reviens au moins en nous disant désolé les gars, quoi, au moins. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même en dehors de ça, on l'a pris super bien, parce que bah, tu vois bien, sur le chemin du retour, on était encore plus joyeux qu'à l'aller, si tu veux. Parce que l'histoire était vraiment drôle et le contexte était tellement dégueulasse et tellement tragique. L'avantage. On rigolait, quoi. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre que de rigoler? Le pauvre Jamel qui nous invite à venir sur cette date était complètement désolé. Jamel, c'est un entrepreneur vendéen qui organise du spectacle et qui nous invite sur des dates qui sont la plupart du temps vraiment géniales. Nous, on y allait les yeux fermés. C'est Jamel, le mec, il bosse bien. C'est un collègue à nous, quoi. un mec super, d'accord, qui bosse bien, qui fait bien son taf, qui a de la tchatch, donc qui attire les gens. C'est un humoriste aussi? Non, c'est le cousin d'un humoriste. D'accord. C'est Rachid, le cousin de qui? Rachid Vegas. Ah, c'est le cousin de Rachid Vegas. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, je sais pas s'il y avait Yanos, parce que je sais plus s'il y avait Yanos. Mais en tout cas, c'était une soirée de folie, quoi. Une soirée folie. Ouais. C'est-à-dire vraiment, tout s'est passé comme il fallait pas que ça se passe. C'était vraiment catastrophique. Bah, l'avantage après de ce genre de galère, c'est que premièrement, quand vous vous voyez avec les mecs qui étaient là, ça va être un sujet de conversation, vous allez vous marrer encore en vous souvenant de ça. Et deuxièmement, vous pouvez en faire un set sur scène. Ouais, c'est clair. Je saurais même pas le raconter tellement c'était. Je saurais même pas le raconter sur scène tellement c'était. Si tu veux, c'était improbable. Improbable. Ah, là, la façon dont tu l'as raconté, moi je pense que ça passerait sur scène. Hein. Écoute, il y a une autre fois aux Herbiers, donc en Vendée toujours, où il y a un mec qui nous dit vous venez, vous allez faire un set de 5-10 minutes chacun. On arrive dans une superbe salle avec vraiment des moyens conséquents et tout. On commence, on s'apprête à lancer le spectacle. Et il y a un connard qui sort de nulle part, qui prend le micro et qui dit « C'est l'heure de l'apéro !» Oh le bâtard. Notre sketch en mode mute. Tu parles dans le micro, mais on ne t'entend pas. C'est des moments magiques. Et en même temps, c'est des moments où on apprend aussi, quoi, tu vois. Il faut t'adapter, c'est toute la magie de la scène, en fait. Alors, juste la question que je me pose, c'est le mec qui a gueulé dans le micro, vous l'avez enterré de suite ou vous avez attendu la fin du spectacle? On a attendu la fin du spectacle. On a attendu minimum. Colassé parce que lui aussi était balèze quand même. Ah oui, bien sûr. Show must go on, c'est normal, obligé. Attends, c'est le minimum. Finesse. Alors, juste une question par rapport à la scène qui était promise à 7000 et qui s'est terminée à 7. Est-ce que ça a été la même chose côté argent? Est-ce qu'on vous a promis une somme et qui s'est divisée par 1000? Eh ben non, parce qu'en fait, c'était le Téléthon. Donc, on nous a vraiment invité à y venir bénévolement. J'avais oublié. Nous, on y allait vraiment pour cette action-là au début. Et on y allait pour deux raisons. On se disait, on va faire le Téléthon, c'est cool. Et il y a 7000 personnes, c'est encore plus cool. C'est la cerise sur le gâteau, comme dirait l'autre, tu vois. C'est ça. Et non, 7 personnes, je crois qu'on a aidé personne ce jour-là. Je vois ce que tu veux dire, j'ai eu un peu la même chose, tu vois. C'était avec un copain à moi, j'en profite pour le saluer, Maxime Sandré, il était dans le podcast également. Yes, Maxime. Tu le connais. Ah, oui, voilà, il est dans les Deux-Sèvres et tout. Et il a voulu organiser le Téléthon avec nous. On a eu une mésaventure, malheureusement. Le pauvre, il a vraiment fait ce qu'il pouvait, mais bon, on n'a pas eu de bol. C'est-à-dire qu'il voulait organiser dans son village un truc pour le Téléthon. Il nous dit, les gars, venez et tout. Et moi, je le préviens, à ce moment-là, j'étais vraiment chaud niveau thune, vraiment. Je lui dis, écoute, bien sûr, je ne prends pas un centime, évidemment. Je ne vais pas me faire payer pour le Téléthon. Tu vois, j'avais oublié, je t'ai posé la question tout à l'heure, j'avais oublié que c'était pour le Téléthon. Je lui ai dit, évidemment, je ne prends pas un centime. Par contre, malheureusement, entre Bordeaux, parce que moi, je suis à Bordeaux, tu vois, entre Bordeaux et les Deux-Sèvres, malheureusement, je peux pas assurer niveau frais et tout. Donc, est-ce que ça ne te dérange pas au moins de défrayer, tu vois? Et il m'avait dit, oui, pas de souci. Il m'a dit, je vous défraye. Et vous ne serez pas payé, c'est normal, mais je vous défraye. Je lui ai dit, vraiment, tu me connais, tu l'aurais organisé à Bordeaux, je n'aurais pas demandé un centime, il n'y a pas de souci. Mais là, en gros, il y en avait pour peut-être, je ne sais pas moi, 50 euros aller-retour et tout. Et même 50 euros, c'était trop pour moi à ce moment-là. J'étais dans une période vraiment, j'étais dans le rouge de chez Carmin, sa mère, tu vois, vraiment. Donc, je lui ai dit, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis ravi. Bah, tu vois, comme toi, tu m'as dit, je suis ravi de pouvoir participer à un truc aussi noble que le Téléthon. Mais par contre, je n'ai pas un centime à mettre dedans, malheureusement. Je peux offrir ma performance, mais je peux pas offrir les frais de route et tout. Financièrement, la banque, elle acceptera pas que je lui fasse des vannes, tu vois, pour rembourser. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, je suis désolé. Il m'a dit, ok, t'inquiète pas. Il me dit, prends l'autoroute et tout. Tu me diras combien ça a coûté et je te paye. Et donc, voilà. On part là-bas et tout. Sur le chemin, il m'appelle. Il me fait, ouais, Sofiane, il me dit, en fait, il y a personne, quoi. J'y allais, vas-y, arrête tes bêtises, là, allez, c'est bon. Non. Ah, t'es relou, là. T'es relou. Je suis déjà à la moitié du chemin. J'étais avec un pote, de Bordeaux aussi, qui s'appelle Thierry Alex, tu vois. Je lui dis, allez, vas-y, arrête tes bêtises, là, on est à la moitié du chemin, c'est bon. Il me dit, non, mais je te jure, il y a personne. J'y allais, vas-y, arrête, c'est bon. J'ai dit, franchement, c'est marrant, mais deux secondes, quoi. Il me dit, ok, bah écoute, venez, mais je te préviens, quoi. De toute façon, on était à mi-chemin, donc ça servait à rien de repartir. On a dit, allez, tu sais quoi, on vient, t'inquiète. Je pose le téléphone et on se regarde avec Thierry Alex et on se dit, oh, il déconne, c'est pas. Tu vois, c'est pas possible. Non, mais surtout le Téléthon, quoi. Le Téléthon, d'habitude, les gens sont tous d'accord pour ça. On arrive là-bas, c'est marrant, mais il y a beaucoup moins de voitures que ce que je pensais, tu vois. Et donc, on rentre dans la salle et en effet, il y a genre 10 personnes. Il y a 10 personnes. Et quand je dis 10 personnes, c'est les bénévoles et sa famille, tu vois. Donc, du public lambda, on en avait zéro. Et on a joué quand même et tout. Malheureusement, moi, j'étais tellement dans le rouge que je pouvais même pas me permettre. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, punaise, mais oh mon Dieu. Il m'a dit, oh, mais t'inquiète, t'inquiète. Donc, il m'a donné tout le truc. Et donc, il m'a défrayé, tu vois. J'ai proposé aux gens qui étaient là. Moi, ce que je propose, en fait, tu sais, quand je fais des trucs comme ça, tu sais, moi, j'emmène mon DVD en général quand je joue dans des trucs comme ça. Je propose aux gens le DVD du spectacle. Et moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je donne genre 30% du prix du DVD, je le reverse à la cause, tu vois. Ou ouais, un truc comme ça. Voilà, et du coup, bon, j'ai proposé forcément sur 10 personnes, bah, je n'ai pas vendu, je m'y attendais, tu vois, c'est pas grave. Mais ouais. Voilà, mais j'ai vraiment essayé et je me sentais tellement mal d'avoir vu, tu vois, ce truc-là et tout, j'étais dégoûté. Et si j'avais su, si tu veux, si j'étais à Bordeaux et qu'il m'avait dit, Sofiane, ne pars pas, il y a zéro personne, d'accord. Mais là, on était même plus que la moitié du chemin, tu vois. Donc là, c'était mort déjà. Et voilà, et j'étais dégoûté. Mais surtout, moi, je pensais qu'il vannait au début. Et je lui ai dit, mais comment c'est possible que le Téléthon soit vide? Et il m'a dit, ils ont organisé un repas demain. Le repas, par contre, il y a 80 réservations. Ouais. Et je lui dis, mais c'est 10. Ah, mais d'accord. Et on a appris à nos dépens qu'en fait, quand tu organises un truc comme ça, il faut absolument le coupler. Tu sais, il m'a dit, ici, c'est la bouffe. Je dis, oui, mais du coup, il aurait fallu le coupler. Il aurait fallu faire un truc repas-spectacle, tu vois. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais donc, ce jour-là, bah, je pense que, comme toi, pareil, on a aidé personne, quoi. On a aidé personne. C'est le plus triste, finalement, dans cette histoire-là. Plus on fait de scènes et plus on rencontre de galères. Moi, j'aurais des tonnes d'anecdotes à te raconter. Tu sais, le soir, une personne dans la salle. Ah, ça, ouais. C'est de la personne qui l'a payé. Il veut que tu joues. Tu ne peux pas annuler. Tu as envie de jouer, donc tu joues. Tu vois, ce genre de choses-là. Mais finalement, c'est vachement formateur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on se renforce. Si on devait donner un conseil au mec qui démarre, c'est ça. C'est va dans toutes les galères de la scène. Ce n'est pas grave. Va te forger. Au mieux, t'en feras un sketch. Au pire, ça te fait une expérience de vie. C'est pas grave, ça va te forger. C'est rien. Fais-le. C'est ça. Vis-le à fond et savoure le moment. Parce qu'il y aura d'autres moments beaucoup plus riches et beaucoup plus palpitants, quoi, tu vois. Bah oui, parce que si tu cherches que les succès, bah tu vas jamais monter sur scène, tu vois. C'est ça. En fait, nous, on est un peu comme des chercheurs d'or, tu sais, on a l'espèce de gros tamis là, et puis on prend de la terre comme ça. La terre, c'est les galères, et puis on cherche, et de temps en temps, on tombe sur des pépites, quoi. C'est clair. Mais après, il y a aussi les moments magiques, hein. Il y a des moments extraordinaires, il y a des moments fascinants, quoi. Je me souviens une fois en Vendée, encore une fois, tu vois, j'ai beaucoup joué en Vendée, tu vois. Cet épisode est sponsorisé par le département de la Vendée. C'est clair. Mais si tu veux, il y a tout, quoi. Il y a tout. C'était un concours à la Chaume, c'était organisé par Œil du Prince, des copains. Et ce jour-là, je déménageais. J'avais des galères administratives. J'étais tellement, tellement énervé que toute la journée, je pensais même pas au sketch du soir, quoi, tu vois. J'ai donc pas bossé de la journée. Mais j'étais tellement énervé que le soir, quand la lumière s'est allumée, j'avais une énergie. J'étais dans un état intérieur tellement puissant. Et en fait, ça s'est super bien passé et j'ai gagné le concours. Waouh ! Tu vois ? C'était en 2013. Ouais, 2013, je crois. Et c'était la pire journée de ma vie, je pense. D'accord. Le soir, c'était un moment magique. J'étais en accord, je tapais juste, je tapais parfaitement au bon moment, au bon endroit. Ça ne s'explique pas. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est grandiose. Des fois, c'est galère. D'accord. C'est ça, la beauté de notre métier, finalement. Nous, on cherche les moments magiques. Une fois qu'on les atteint, enfin, comment je dirais ça ? Pour conclure, je dirais qu'avec l'âge, hein, avec l'âge, finalement, ce n'est pas tant la victoire qui compte, c'est le chemin par lequel tu passes pour y arriver. Ah, totalement. Qui est important, tu vois. Et sur le chemin, il y a déjà des pépites. Tu peux trouver des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Ah, mais en tout cas, c'est une belle anecdote, d'avoir pu gagner ce concours et tout. Du coup, je voulais te demander, pour les concours suivants, c'était pas trop galère d'organiser ton déménagement le jour même en fonction Écoute, j'étais plus jeune dans la profession. Ouais. J'avais pas une très bonne discipline de vie. je donnais pas à l'époque, je donnais pas d'importance. J'avais pas peut-être pas le sens des priorités, tu vois. Après, on grandit, on vieillit, on acquiert un peu de maturité. Et peut-être que cette victoire-là aussi, elle m'a permis de comprendre que faut faire gaffe quand même, tu vois. C'était peut-être un coup de chance ce soir-là. Je sais pas si c'était un coup de chance ou si c'était j'étais tellement énervé de ma journée que je voulais faire mieux, quoi. Je sais pas, c'est peut-être le lâcher prise aussi. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je pourrais pas faire ça. Quand je joue le soir, faut que je sois dans la journée. Faut que je travaille. Faut que je sois prêt. Faut que je m'organise psychologiquement. J'y vais en mode guerrier, quoi. Tu vois, on rigole pas. C'est notre métier. Hein. Il faut faire les choses sérieusement. On doit pas se moquer du public. On est là pour leur offrir, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la poésie. La poésie, ça se bosse. Hein. On fait pas de choses à l'arrache. Faut plus faire de choses à l'arrache. Moi, je m'interdis aujourd'hui de faire des choses à l'arrache. C'est vrai, je comprends. Mais après, c'est quand même important, même s'il y a beaucoup de travail en amont, c'est important sur scène qu'on sente que tu es détendu et tout, parce que la détente, j'ai l'impression que c'est une grosse partie du boulot. Et j'écoutais justement une anecdote d'un gars sur un autre podcast. J'écoutais un mec en fait qui disait qu'il allait arrêter la scène. Tu vois, il avait vraiment dit allez, c'est bon, j'arrête. Genre, il s'était engagé sur une scène, donc il s'est dit allez, je vais faire celle-là et après je m'en vais. Il avait dit à personne, hein, il l'a gardé pour lui qu'il allait arrêter. Il est monté sur scène en mode c'est ma dernière scène et après j'arrête le stand-up. Et il était tellement détaché qu'il a cartonné. Et du coup, aujourd'hui, il y est encore. Ouais, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, avec le confinement, ça nous a quand même prouvé que c'était. C'est qu'on est un peu des toxicomanes, quoi. On en a besoin de ce truc-là. Besoin de ça, quoi. Après, c'est à mon sens toujours, mais il faut toujours pousser le niveau vers le haut, quoi. Et essayer de faire encore mieux, d'essayer d'aller chercher plus loin, de faire des choses qu'on n'a pas essayées, des choses qu'on n'a pas tentées. Le lâcher prise, il vient avec le temps. C'est à force d'entraînement, je pense. À force bien de s'entraîner, tu sais que tel mouvement, tel mot, tel déplacement, telle attaque, tel. Tu sais que ça paye, tu vois ce que je veux dire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller encore plus loin, il faut aller encore plus loin. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à... Il y a tellement de secrets sur la scène, en fait, qu'on pourrait passer une vie à les chercher. Quoi. On pourrait passer une vie à trouver des choses nouvelles à faire à chaque fois. Totalement, ouais. Je suis d'accord. C'était l'instant émotion. Non, mais c'était surtout l'instant vérité. Hein. Je pense que c'est ça, en fait. Il faut continuer à chercher cette maîtrise, en fait. Parce que quelque part, je pense que c'est une fois que tu atteins la maîtrise que tu peux atteindre le lâcher-prise, en fait. Non, même peut-être un peu avant. C'est-à-dire, le lâcher-prise, c'est plutôt l'idée de « on y va, on verra bien ». J'ai bossé. Un croyant, il dirait « maintenant, je m'en remets à Dieu ». D'accord. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Et ben, c'est un peu la même chose, le lâcher prise. La maîtrise, la maîtrise, c'est un truc. Tu penses que c'est plus de la confiance en soi qu'il faut avoir pour atteindre le lâcher prise, quoi. Nous, notre métier, il nécessite du travail sur tous les aspects. L'aspect de la confiance en soi, le physique. Tu sais, il y a une époque où j'avais vraiment lâché le sport. Et au bout de 45 minutes de spectacle, physiquement, j'en pouvais plus. J'étais essoufflé, etc. Je me rends compte à quel point c'est sportif comme métier en réalité. Tu peux pas courir sur scène si tu... comment dire, tu peux pas courir sur scène des années si tu t'entretiens pas un minimum, en fait, je pense. D'accord. Il faut travailler. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut travailler. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça que moi, je prends pas le risque, je cours pas. Tu vois, je cours pas sur scène, je cours nulle part. Je suis bien, moi, tu vois. Moi, j'ai abandonné le sport depuis toujours. Et Tu ne l'as d'ailleurs jamais rencontré, je crois. C'est ça. Oh, on s'est rencontré quelques fois, mais on s'est embrouillé, tu vois. Il y a eu embrouille, je te cache pas. Il y a eu menace et tout. On passe avec tout le monde. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Avec tout le monde. T'inquiète pas, moi, je reste avec mes potes, tu vois, McDo, tout ça, je suis bien. T'inquiète. Bon, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, en effet, surtout quand, tu vois, on parlait de toxico tout à l'heure par rapport à la scène. Le sport, c'est la même chose parce que le sport, ça déclenche de la dopamine et tout, des endorphines, tout ça qui vont. Enfin, je sais plus c'est lequel des deux ou si c'est les deux ou quoi, mais en tout cas, ce sont des drogues, entre guillemets, qui vont vraiment te booster et tout. Donc, ça fait que quand tu les as plus, tu sens que ça te manque et tout. Et du coup, après, quand tu as repris le sport, j'imagine que tu as kiffé deux fois plus, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ça. Mais même en dehors de ça, je pense que la scène, c'est un sport, en fait. Enfin, moi, je le vois en tout cas comme un sport et je me vois comme un athlète. Et si l'athlète ne bosse pas tous les jours, ben, à un moment, il va se casser la gueule et il va se faire mal, en fait. Il va se faire mal bêtement. Alors que, tu sais, c'est de la répétition. On n'est pas des, comment dire, je le dis souvent, ça, on n'est pas des auteurs, on est des gens qui réécrivent. On réécrit, on réécrit, on réécrit, on efface, on réécrit. Et on est dans cette mécanique-là, tu vois. Tu as une idée, comme tu me le disais tout à l'heure, tu as une idée, tu l'essayes sur scène. Ah, dans ta tête, c'était sûr, ça allait passer. Là, ça passe pas auprès du public. Alors, tu vas l'essayer deux, trois fois et tu vas la changer. Et peut-être qu'en changeant la formulation, ça passera un peu mieux. Tu vois, c'est un sport quand même. C'est un truc qui nécessite du boulot constamment. Et c'est vrai. Je crois que c'est là que je trouve le plus grand plaisir dans ce métier, c'est à cet endroit-là, exactement. Sur le cheminement, finalement. Sur ce qui mène au succès à la scène, quoi, tu vois. Oui, je crois que la première fois que tu fais une vanne qui n'a jamais réussi à passer et un soir tu trouves la formule qui marche, Ouais, là, ah, c'est mais bon je crois quand qu'il n'y a même. pas meilleure sensation. Réussir à faire passer quelque chose qui n'était jamais passé. Exactement. Ah. C'est presque. J'ai une voix intérieure qui me dit, t'as vu, je t'avais dit. C'est Ben presque ça, quoi. T'as vu, je t'avais dit, elle est bonne, celle-là. mais tu sais, tu te dis, ouf, je me suis pas planté, et tu comprends que c'est pas la faute du public. C'est qu'en fait, t'avais pas trouvé le pont. Tu sais, c'est ce que dit Yacine Bellous, tu vois. Il disait dans un podcast que les idées, tu vois, toi, t'as les idées, et t'as le public, t'as envie de lui donner. Toi, c'est marrant pour toi. Si tu as trouvé cette idée, c'est que c'était marrant. Tu trouvais ça marrant. En tant qu'être humain, toi-même, tu es un être humain, donc tu trouves ça marrant. Eux, ce sont des êtres humains. Tu dois pouvoir leur faire comprendre que c'est marrant. Donc, la question, c'est le pont entre ton idée et le public. Et c'est juste que, tu vois, quand tu trouves une vanne et que les gens n'ont pas rigolé, c'est que le pont n'est pas bien construit ou je sais pas, tu vois. Donc, il faut chercher d'autres façons de le faire et tout. Et une fois que tu as trouvé le bon pont, là, tu es content. Et c'est pour ça que c'est important de s'enregistrer, ne serait-ce qu'en audio. C'est Ouais, c'est important. ça. Des fois en impro, moi ça m'est arrivé des fois de sortir une formule en impro et je m'en souviens plus après. Et cette formule, elle est passée crème, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut vraiment se souvenir de ce qu'on a fait et tout. Donc pour ça, il faut enregistrer et après retravailler et tout, retenter plusieurs fois avant de pouvoir vraiment, comment dire, valider le spectacle ou le sketch dans son ensemble, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu sais, il y a une phrase d'Henri Bergson, parce qu'on a fait le moment émotion, mais on n'a pas fait le moment intelligent. Bon, on va le faire maintenant. Il y a une phrase d'Henri Bergson qui dit: le rire, c'est l'œuvre légère et profonde d'un poète intelligent. Je trouve Wow. que cette phrase, elle a beaucoup, beaucoup de sens. Le rire, c'est l'œuvre légère et profonde d'un poète intelligent. Si tu réfléchis bien à cette chose-là, si on rajoute l'idée du sportif, etc., c'est comment tu vas emmener la chose, quoi. Comment tu vas là? Tu es un architecte. La notion du pont, quand tu m'en parles, ça me fait vraiment penser à ça. Tu es un architecte, un truc qui. Tu construis quelque chose, quoi. Et tu vends du rêve aux gens, en fait. Tu vends le sourire, tu vends le rire, tu vends le. C'est le plus beau métier du monde. Ah. C'est vrai que quand t'as les gens qui viennent te voir et tout et qui te disent vraiment ça allait pas du tout dans ma vie et tout et là ce soir vous m'avez redonné le sourire, franchement ça va droit au cœur, tu vois, et ça fait plaisir, quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Ah. Bah moi je Rien sais que que. quand on sort de la salle et qu'on dit merci, ça m'a touché. Oui, Oh, voilà. c'est bon, j'ai gagné ma soirée. C'est Parce ça, qu'après, c'est il ça. faut retourner bosser, hein, mais pour ce soir, c'est bon. Ouais, mais c'est ça. C'est quand tu termines. Pour moi, le spectacle. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui font pas ça et tout, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui restent, tu vois, derrière le spectacle et tout, qui vont rester, qui vont parler avec les gens, tout ça. Parce que pour moi, le spectacle s'arrête pas là. Là, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand les gens viennent te voir. C'est le service après spectacle, si tu veux, tu vois. C'est genre, les gens viennent te voir, ils veulent te remercier, ils veulent te dire ouais, j'aime ce que vous faites et tout, je vous suis depuis telle époque. Là, quand vous avez parlé de ça, vraiment, ça a changé ma vie, je vivais la même chose et tout, ça m'a aidé, tout ça. Je sais plus qui, mais il y a quelqu'un qui disait que il avait été voir un spectacle, je crois, avec sa mère, genre un truc comme ça, qui était malade du cancer, la pauvre. Ouais. Et son dernier soir, ils ont regardé, je crois qu'ils ont regardé son spectacle à la télé, tu vois, dans la chambre d'hôpital. Ouais. Et en gros, elle a ri, quoi, et elle est morte quelques instants après, tu vois. Et il dit, Wow. et donc cette personne-là a été voir l'humoriste en question et lui a dit, on était dans la chambre d'hôpital et tout, et ma mère est décédée juste après avoir ri à votre spectacle, donc je vous remercie de l'avoir fait partir sur un rire, quoi. T'imagines? Oh, ça me fout les frissons ce que tu me racontes. Eh ben C'est oui. Si tu veux, nous, on fait pas ça en se disant on est des héros ou quoi, hein. Nous, c'est ça. Tu Non. vois, tout à l'heure, tu as parlé d'ego. Quand tu disais de jouer devant 7000 personnes et que ça allait gonfler l'ego, clairement, c'est un métier d'ego. On fait ça pour nous à la base. Et moi, j'aime bien parce que c'est un métier. J'ai l'impression que c'est un bon métier parce que nous, on se fait plaisir sur scène et on arrive, Dieu merci, à faire plaisir aux gens qui sont dans la salle. C'est pas égoïste au final, tu vois. Ça part, la démarche est égoïste, mais le résultat est pas altruiste non plus, mais c'est partagé, tu vois. C'est vraiment, tout le monde en profite au final. Ouais, c'est ça. Alors, il y a juste un truc que je trouve, que je pourrais trouver égoïste un peu dans ce métier. Enfin, je suis d'accord avec ton idée de l'ego, mais finalement, pas que, tu vois, il faut pas. L'ego, c'est un truc qu'il faut bosser encore une fois, tu vois, c'est un truc qu'il faut savoir maîtriser. Il y a un truc, moi, qui me dérange, c'est quand on sort de scène et qu'on dit, ouais, de toute façon, le public ce soir n'était pas top. Ben Ou non. le public n'était pas à la hauteur. Ben, en fait, non, là, c'est faut faire gaffe parce que c'est là où on nourrit mal son ego. Non, c'est pas le public. C'est juste que ton énergie, elle était merdique. Peut-être que tu n'as pas réussi, en fait. T'as juste pas. Il faut reconnaître. Il y a des soirs où tu sors de scène et tu te dis, ben là, j'ai été merdique. Le seul truc que tu as à faire, c'est rentrer chez toi et retravailler, mec. Retravaille. Mais il faut se remettre en question, la remise en question permanente. Bien sûr, bien sûr. Oh non, le public n'a pas été à la hauteur. Oh, j'ai envie de leur casser la gueule quand ils me disent ça. Non, moi, j'aime pas ça non plus. En plus, moi, je pense qu'il faut analyser dans la globalité, tu vois. Évidemment, si le public, il parle, il mange en même temps, machin, et toi, t'arrives, tu arrives... C'est même pas le public n'est pas à la hauteur, c'est les conditions qui ne sont pas à la hauteur. Je te jure, Sofiane, que j'ai longtemps réfléchi à ce truc-là. Et à une époque, je m'amusais à... Tu montes sur scène, tu prends le micro et il faut qu'ils se taisent. Il y a différentes manières de le faire. Tu pourrais dire juste taisez-vous. Ils ne vont pas se taire. Hein. En fait, si tu parles suffisamment bien que l'idée est forte, ils se taisent. Naturellement, on va t'écouter. C'est si vrai. On ne t'écoute pas, c'est que ce n'était pas intéressant, c'est tout. Il ne faut pas passer par 14 chemins, tu vois. Il faut se dire la vérité. S'ils ne t'écoutent pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. Et il faut se battre contre les... Des fois, il y a des conditions, oui, elles sont horribles. Si je peux me permettre de te raconter un dernier truc. Une fois, j'avais un sketch dans mon ancien spectacle, dans Sans Rancune Maman, qui s'appelait Jarabiz. Donc, je monte sur ce sketch, encore une fois, en Vendée. Hein, c'est pas de ma faute. Et ce soir-là, tu vois, on est, je sais pas, 6 humoristes. Et je passe au milieu, quoi, en milieu de cuve, tu vois. Je sais pas, je dois passer en 3e ou 4e. Et les 3 premiers, les mecs, ils sont pas écoutés. Je monte sur scène, mec. Je les prends un peu autrement, on va dire. Et là, j'ai une écoute hyper, hyper riche. Je passe bien, mon sketch passe bien, génial. Je suis vraiment content de moi, quoi. Je sors de scène et il y a un mec balèze qui arrive, qui vient me voir. C'est toujours les plus balèzes qui viennent me voir. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai un problème avec ça, je pense. Il y a un mec balèze qui vient avec un pull rouge. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le mec vient, il est à 20 mètres de moi, tu vois. Et puis, il vient physiquement, j'ai l'impression qu'il va me casser la gueule, le gars. Tu vois ? Il s'approche de moi. Pratiquement, il colle son visage au mien. Et puis, il me dit, c'était vraiment bien. Je voulais te dire, moi, j'ai pas de problème avec les Arabes. Je dis, ben merci. C'est une bonne soirée, monsieur. Hein, merci. Le truc, tu vois, vraiment... improbable, quoi. Pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me dis ça, mec? C'est le... Comment dire? C'est la phrase gentille la plus agressive que j'ai jamais vue, tu vois. Ah ouais. Mais tout, physiquement, dans son allure, dans sa manière de parler, dans l'haleine, tout était agressif. Même l'haleine. Mais ce soir-là, je me souviens que ce soir-là, j'ai réussi à trouver un silence, à trouver une écoute. Et je pense que c'est, il faut développer en fait, faut développer la technique, faut bosser, bordel. C'est un job qui demande du boulot, un boulot de dingue. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ceux qui disent ouais c'est le public, il était pas bien et tout, je serai jamais d'accord avec eux. Souvent c'est les conditions qui sont pas bien parce que les gens, on leur a dit vous mangez et il y aura des humoristes, donc forcément les gens, voilà, tu vois, ouais. ils vont manger, ils peuvent pas faire attention à leur escalope et à ton sketch, tu vois, c'est normal, on peut pas se partager comme ça, tu vois, c'est normal. Des fois, ça peut être aussi parce qu'il fait trop froid dans la salle, trop chaud, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment, allez, on va dire sur 100 fois qu'un humoriste va dire « ouais, c'est le public qui était pas chaud », franchement, sur 100 fois, je pense que 99 fois, c'est vraiment la faute de l'humoriste ou des conditions. Et une fois, ça va être le public qui vraiment n'a fait aucun effort pour ça, tu vois. Parce qu'il faut regarder le reste de la soirée. Je suis pas d'accord avec toi, je te jure, dans 100% des cas. Toi tu penses, non, vraiment. Non, mais ouais. Non, mais... Il faut, écoute, ils arrivent, ils se posent dans la salle, ils sont là pour consommer quelque chose. D'accord, oui, mais tout dépend. On leur dit, il y a un humoriste qui arrive. Eh, si l'humoriste est pas bon, s'il est pas en forme ce jour-là, s'il vient de se disputer avec sa nana, etc. Dis-moi, en quoi le public est responsable? Non, si, pas ça, pas ça. Évidemment, t'arrives à un congrès du Ku Klux Klan. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, tu dis « Salam alaikum ». Ok, là c'est chaud. Non, alors je vais te dire non. Moi, je suis d'accord avec toi pour un public vraiment mélangé et tout. Mais des fois, quand t'as un public plutôt réduit et que c'est un groupe, mettons, tu vois, les comités d'entreprise par exemple, tu vois, ouais. Les comités d'entreprise. Là, t'as que des mecs, genre qui se connaissent entre eux et tout machin, et qui ont décidé. Moi, je parle la seule fois sur 100 où j'estime que c'est la faute du public qui a vraiment pas mis la bonne intention, c'est quand c'est un groupe qui a décidé de saboter ton passage entre guillemets. C'est en mode, tu vois, ils sont entre eux et tout, et puis ils se disent dès le départ, on va saboter son passage, genre ça parle, ça balance des trucs pendant que tu joues et tout machin. Là, ouais, là pour moi, ça c'est la faute du public, mais tout le reste, non. Moi, je te dis, il faut juste regarder comment ça se passe dans la soirée. Tu disais tout à l'heure que tu étais passé 3e ou 4e. Mettons, tu as une soirée où vous êtes 6 humoristes, il y en a Allez, on va dire, les deux premiers, ils cartonnent nickel. Le troisième, il fait un four total. Et les deux, trois autres, ils passent et ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe après? Le troisième, tu vas aller le voir, tu vas lui dire alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Il va dire, oh, le public était pourri. Ben non, pour tous les autres, ça a bien marché. Après, sur une soirée complète, quand vraiment il y a 100% de bide et tout, des fois, il y a des gens, je te dis, il y a des gens, des fois, qui mettent pas la bonne intention, mais c'est très, très, très, très, très rare. C'est vraiment très marginal. Pour moi, c'est toujours à toi de te remettre en question. Et même, j'irai même au-delà, c'est que même quand les gens, la fameuse fois sur 100, où c'est entre guillemets la faute du public, je pense que même dans ces cas-là, c'est à toi d'être tellement bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être tellement bon que les gens t'écoutent et se plient à l'ambiance que tu veux instaurer toi, tu vois. Bien sûr. Ah ouais. Moi, j'ai vu ça, j'y étais à peu près arrivé une fois, je jouais à Toulouse et tout, dans un truc en sous-sol, dans une crêperie en sous-sol et tout, on avait passé un super moment et tout, ça s'appelait le double, d'accord, tu connais? Okay. Non, pas celui-là. Non, d'accord, ça s'appelait le double, voilà, donc avec deux O, et donc on a joué là-bas et tout avec des amis, et si tu veux, j'étais passé, je crois qu'ils m'avaient mis dernier, un truc comme ça, et c'est vrai que ça parlait beaucoup quand même, hein. Ça parlait vraiment beaucoup, et moi je me suis dit, tu sais quoi, j'y suis allé en mode un peu lâcher prise, en mode c'est pas grave, je vais leur faire ce que je fais d'habitude, j'y vais tranquille, je sais que ça va pas trop m'écouter, mais je m'en fous, j'y vais, et j'y vais, je balance les punchs et tout, et franchement j'étais content parce qu'au fur et à mesure j'entendais de moins en moins de gens parler, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment j'avais tout le monde. C'est ça, notre plus grande satisfaction, elle doit être là. Il y a du bruit dans la salle et arriver à 3 minutes du départ de ton sketch, ça y est, tu les as tous maîtrisés. Et tu es en train de les emmener dans ton univers, dans ton monde. C'est pour ça que je te dis, le public est très rarement incriminé en réalité. Ah, mais je suis totalement d'accord. Je te dis, ça va arriver de façon marginale, mais de temps en temps, bien sûr, quand tu as une salle de, mettons, 100 personnes, que quasiment personne ne se connaît dans la salle, évidemment que ce n'est pas la faute du public. Moi, je te parle de quand c'est un groupe, c'est souvent un effet de groupe. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai eu Marine Bausson il y a quelques jours sur le podcast et elle m'avait raconté que dans la salle, elle avait un groupe de mecs, je sais pas, c'était genre un comité d'entreprise ou quoi. Tu avais des gars qui, toutes les deux secondes, criaient « Olivier, Olivier, Olivier !» Et elle a pas arrêté. Au début, elle a essayé de jouer le jeu et tout. Elle dit « Non, mais c'est qui Olivier? Allez-y, dites-moi et tout machin. » Ils ont pas voulu lâcher l'affaire. Toutes les deux secondes, « Olivier, Olivier, Olivier !» Elle a pété un câble, la pauvre. Elle a fait son truc et tout. Puis à un moment, elle a dit « Non, mais là, faut qu'on arrête là parce que vraiment, ça va pas. Il va falloir que ça s'arrête. » Et après, elle a fait son spectacle tant bien que mal. Et à la fin, ils sont venus la voir en lui disant « Ouais, Olivier, c'est lui, c'est un de nos collègues et tout, tu vois. » Donc là, j'estime que là, c'est pas le public, c'est ce groupe-là. Là, c'était leur faute. Ah oui, non, mais ben oui, évidemment. Mais après, c'est l'effet de groupe, c'est toujours la même chose, quoi. On est d'accord, cool, on est d'accord. Les dangers de la foule. Oui, ben c'est ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'à force de travail et tout, on peut vivre encore des moments, des petites pépites, quoi, comme on disait. Des moments de grâce, en fait, sur scène, et on espère les retrouver. Mais de toute façon, pour pouvoir les retrouver, le deal, c'est de retrouver aussi des galères. Donc, c'est pas grave. On prend le tamis tel qu'il est, on fait toutes les scènes, et puis après, après, bien sûr, il y a des trucs où tu peux accepter de jouer sous certaines conditions. Tu peux dire, écoute, je veux bien venir, mais par contre, il faut que ce soit payé, tu vois. Là, je vais pas retourner. Tu vois, si on t'avait proposé le lendemain, mettons le lendemain de la Vendée, là, les 7000 qui deviennent 3, si on t'avait dit, bon, écoute, tu viens et tu joues. Par contre, bon, t'inquiète pas, premièrement, on vous fait passer en premier. Ouais. Et deuxièemment, on vous paye. Vous seriez revenu. Bah oui, avec des conditions différentes, certainement. On est d'accord, voilà. Et encore, oui, certainement. Je veux pas me... Voilà. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de vous mettre en dernier quasiment. Non, parce que le spectacle s'est fini après nous, parce qu'il n'y avait plus de public. Mais il y avait encore 12 numéros derrière nous. Oh là là là là. Ah oui, d'accord, c'est pire que ce que je pensais. Le spectacle sans fin. Abominable. D'accord. J'imagine sur le programme début 14h, fin 14h05, mais dans deux jours. Voilà, c'est ça. Un spectacle de 48 heures. Ah, ça peut être pas mal. Ah, tu sais qu'il y en a qui ont fait des performances comme ça. Hein. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Là, moi, je respecte. Ah, moi je pourrais pas. Un marathon, tu vois. Je préfère aller courir un marathon ou un truc, tu vois. Ah, mais là, j'avoue, tu me proposes un marathon, je sais pas. Je sais pas laquelle des deux souffrances j'accepterais, je sais pas. Je préférerais celle du marathon, je crois. Je comprends, je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Roya. Vraiment, c'était un plaisir de te recevoir et d'écouter tes anecdotes. Bah, tu as des très belles anecdotes. Puis, on en profite pour saluer la Vendée parce que c'était un galère d'humoriste très localisé, finalement. Vive le Texas. Vive le Texas qui est la Vendée. Vive le Texas, avec grand plaisir. Le Texas français. Le Texas français. Merci beaucoup. J'ai débuté là-bas et c'est vraiment... J'ai rencontré des publics fabuleux en Vendée, vraiment. Mmh. Ça m'a permis moi d'évoluer et de grandir. Et, ouais, bien sûr, bien sûr. Je tiens bien sûr à préciser. Franchement, à part ce mec-là bourré, en gros, la Vendée, c'était un super public quand même. Quoi. Ouais. En gros, la Vendée, la Vendée, je vous aime tous, sauf Stéphane. Voilà. Si je peux me permettre. Bon, on salue Stéphane aussi, alors. On salue Stéphane entre deux bières. Il va sûrement nous écouter entre deux bières. Enfin bref. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Roya. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, écoute, sur Insta, hein, Omar Mefta, sur Instagram. Et puis voilà. Voilà. Okay. Un petit peu à la téloche, un petit peu au cinéma, ouais. J'espère. Et ben, puis, voilà, on te le souhaite. On te le souhaite, ok. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.